Tous les cuivres sont des tubes métalliques munis d'une embouchure et terminés par un pavillon. Leur longueur, leur grosseur, leur forme changent d'un instrument à l'autre. En appliquant à l'embouchure ses lèvres plus ou moins serrées, l'instrumentiste peut émettre un certain nombre de notes pour une même longueur de tube. Ce sont les notes qui correspondent exactement aux harmoniques naturelles d'une corde de violon. Voici par exemple les notes qu'on peut sortir d'une trompette en si bémol rien qu'avec les lèvres, en utilisant 145 cm de tube. Avec un tube plus long de 5 cm, on ferait entendre cette série plus grave. Mais quelle que soit la longueur du tube, le trompettiste ne dispose que d'un choix de notes très restreint, dont le compositeur doit également se contenter. C'est ainsi que Beethoven, écrivant le solo de trompette que voici, s'est limité aux notes permises par une seule longueur de tuyau sonore. Jusqu'à l'invention de la trompette à piston, c'est-à-dire vers 1820, l'instrument n'offrait donc que peu de ressources au compositeur. Mais le piston a tout changé. Une trompette moderne en comporte trois, dont chacun ajoute à l'instrument une certaine longueur de tube. En fait, l'action combinée des trois pistons met à la disposition du trompettiste sept longueurs différentes et lui permet de passer instantanément de l'une à l'autre. Un air comme celui-ci ne peut être exécuté sur une trompette dite naturelle. Avec sa sonorité éclatante, la trompette domine aisément tout un orchestre. N'a-t-elle pas dominé à l'origine jusqu'au fracas des batailles? Mais on ne demande pas toujours à la trompette de jouer fort. Une sourdine introduite dans le pavillon ne fait pas qu'étouffer le son, elle le transforme. Écoutons un trait de trompette, d'abord sans sourdine, avec une sourdine ordinaire, avec une sourdine chapeau, avec une sourdine wah-wah, les compositeurs modernes ont volontiers recours au curieux effet de la trompette bouchée, dont l'expression est parfois inquiétante. Écoutez plutôt ces deux trompettes. Comme la trompette, le trombone est formé d'un tube presque cylindrique sur toute sa longueur. Mais au lieu de piston, c'est une coulisse qui permet de l'allonger ou de le raccourcir. coulisse permet de passer d'une note à l'autre en glissant, d'où l'effet appelé glissando. Notons aussi que le trombone, comme tous les autres cuivres, peut recevoir une sourdine. C'est un trombone ténor que vous venez d'entendre. Un orchestre symphonique en comporte habituellement deux, plus un trombone basse. Le trombone est susceptible de vivacité et ses grandes dimensions ne l'empêchent pas d'exécuter des traits relativement rapides. Cependant, l'ensemble des trois trombones se distingue par un effet de puissance et de majesté. Formé d'environ 3,60 m d'un tuyau conique enroulé plusieurs fois sur lui-même. Il est muni d'un système de pistons analogue à celui de la trompette, de sorte que le corniste, comme le trompettiste, agit conjointement sur l'embouchure et sur les pistons pour obtenir des notes différentes. La forme du corps et la position dans laquelle on le tient permettent à l'exécutant d'introduire sa main dans le pavillon, ce qui a pour effet de boucher les sons. Si le corniste souffle fort, les sons bouchés deviennent des sons particulièrement cuivrés. Le corps chromatique est en somme une trompe de chasse perfectionnée. Avant d'être muni de pistons, le corps était déjà admis à l'orchestre sous la forme du corps d'harmonie, qui souffrait des mêmes limitations que l'ancienne trompette dite naturelle. Les compositeurs devaient se borner aux notes que l'instrument pouvait émettre. Trois corps participaient à l'exécution de ce morceau. Voici maintenant un corps solo, jouant une mélodie douce et expressive. on ne saurait démontrer plus clairement que n'importe quel air est à la portée du corps chromatique. Voici un autre exemple, peut-être plus caractéristique, où la phrase musicale exige l'emploi des pistons tout en conservant quelque chose de la couleur des vieilles sonneries de chasse. Le tuba, le plus gros instrument de la famille des cuivres, est chargé de donner les notes les plus graves. Il est normalement chargé de renforcer les basses et ne joue que très rarement en solo. Mais quel autre instrument pouvait évoquer avec autant de justesse le cheminement chaotique d'un lourd chariot tiré par un bœuf dans ce passage des tableaux d'une exposition? Voici enfin un instrument de cuivre qui, à proprement parler, ne fait pas partie de la famille et fait plutôt cause commune avec les bois, le saxophone. Il est à hanches simples, comme la clarinette, et les notes sont déterminées par des trous que l'instrumentiste ouvre et ferme à volonté. La sonorité du saxophone est particulièrement appréciée des compositeurs français, notamment Bizet, qui a écrit ce solo célèbre. Peu d'instruments sont aussi anciens que la harpe. Toutefois, c'est seulement depuis l'invention du système actuel de pédales, il y a un siècle et demi, qu'elle a été régulièrement admise dans l'orchestre. Grâce à ce système, chacune des 47 cordes peut donner 3 notes, et le harpiste a les pieds aussi occupés que les doigts. Thank you. Le glissando caractéristique de la harpe s'obtient en passant rapidement les doigts sur un certain nombre de cordes. La harpe, semblable en cela à tous les autres instruments à cordes, produit des harmoniques si l'on arrête la vibration de la corde en certains points précis. Voici un solo de harpe tiré du Capriccio espagnol de Rimsky-Korsakov. Le Celesta ressemble extérieurement à un petit piano. Mais au lieu de cordes, il est garni de lames d'acier qui, frappées par des marteaux, rendent un son cristallin. D'une façon générale, les instruments à percussion sont ceux qu'on frappe ou que l'on secoue. Le rôle essentiel est de marquer le rythme et d'ajouter du caractère à certains morceaux. Beaucoup d'entre eux ont été empruntés aux musiques militaires. Les timbales, par exemple, étaient à l'origine un instrument de cavalerie composé de deux tambours hémisphériques accrochés de chaque côté de la selle. L'orchestre en a fait le plus important des instruments à percussion, sous la forme d'un jeu de deux, trois et même quatre timbales donnant des notes différentes. Les timbales, en effet, peuvent être accordées suivant les besoins de la partition. L'accord se fait soit en serrant ou desserrant les clés disposées sur le pourtour, soit au moyen d'une pédale qui a également pour effet de tendre plus ou moins la peau. La pédale permet en outre le glissando. Les possibilités des timbales sont très variées et subtiles, ne serait-ce que sous le rapport des nuances. Le son peut être fracassant ou extrêmement doux. Écoutez le début de la marche au supplice dans la symphonie fantastique de Berlioz. La grosse caisse, elle aussi, vient directement des musiques militaires. Elle produit un son grave, sourd, qui évoque le tonnerre ou le canon dans le lointain. Autre transfuge de l'armée, la caisse claire est assez proche du tambour ordinaire. Sur sa partie inférieure sont tendues des cordes métalliques ou des boyaux qui vibrent contre la peau par résonance quand on frappe la face supérieure. D'où cette sonorité sèche, crépitante. Il y a plusieurs façons de jouer des cymbales. On peut les entrechoquer l'une contre l'autre, comme ceci. Ou n'en prendre qu'une qu'on tient en l'air pour la faire vibrer à l'aide d'une baguette feutrée. Ou encore les frotter doucement l'une contre l'autre par les bords, ce qui produit un son délicat, presque imperceptible. On peut battre le triangle par coups séparés, mais aussi par roulement. Voici le tam-tam, ou plus exactement, le gong, formé d'un disque de métal large et pesant. Mentionnons deux instruments originaires de l'Europe méridionale où ils accompagnent la danse. Le tambourin est un petit tambour plat à une seule peau garni de sonnettes tout autour de sa caisse. Il peut être alternativement frappé et secoué. Ou cogné contre le genou. Une autre façon de procéder consiste à mouiller un doigt qu'on promène sur le pourtour de l'instrument pour obtenir cet effet. Les castagnettes se composent de deux morceaux de bois dur creusés d'un côté et articulés ensemble pour que les creux se correspondent. Ce sont aussi deux morceaux de bois, mais longs et plats, articulés au moyen d'une charnière qui forme le fouet. L'imitation d'un claquement de fouet est saisissante. Plusieurs instruments à percussion nous sont venus d'Amérique latine. Les maracas, qui ne sont pas sans analogie avec un hochet d'enfant. Les calebasses, qu'on frappe avec une baguette. Les claves qu'on entrechoque. Voici ces instruments jouant un rythme sud-américain. Ce morceau, vous avez entendu un air. Il était joué au marimba, qui n'est d'ailleurs pas le seul instrument à percussion capable d'articuler une mélodie. Il y a d'abord le xylophone, jeu de lames de bois dur convenablement accordé. Thank you. Le vibraphone, qui se joue à peu près de la même façon, possède un mécanisme rotatif qui donne au son un accent plus vivant. On trouve des instruments semblables au xylophone dans bien des régions de l'Asie et de l'Afrique. Mais sans aller si loin, on en trouve dans nos orchestres, comme le glockenspiel, où des lames de métal remplacent le bois. Le son du glockenspiel évoque le carillon en plus argentin. Le carillon tubulaire, avec ses éléments de grand format, se rapproche davantage du son des grosses cloches. Je crois qu'avec ces exemples, nous avons passé en revue tous les éléments de l'orchestre. Essayons de les reconnaître dans ce bruit confus.